بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله عز وجل وست نوي دي 28 ربيع برومي كي كوريسبون او 24 نوفمبر 2019 nous allons entamer notre deuxième assise concernant l'étude de l'explication des quatre règles par l'érudit Cheikh عبيد. الله سبحانه وتعالى ألون سبي دون سون أوبيسونس. Lors de la première assise, nous avons pris le premier paragraphe qui était composé d'un important dua que l'auteur Mohamed Ibn Abdelhab rahimahullah ta'ala a fait pour le lecteur et pour celui qui lira et qui écoutera cette épître. Et aussi dans ce premier paragraphe se trouvaient les trois clés du bonheur. Et ils font partie du dua que Mohamed Ibn Abdelhab a fait à la personne qui lira ces quatre règles. Et les trois clés du bonheur sans être reconnaissant, il a fait dua pour qu'il soit reconnaissant face à la grâce d'Allah et qu'il soit patient au moment où il est éprouvé, qu'il se repente quand il commet une erreur et un péché. Et aujourd'hui, nous allons passer cette séance avec ce deuxième paragraphe où Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelhab rahmatullah alayhi a dit: اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et donc dans ce deuxième paragraphe, Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelhab رحمه الله تعالى dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifia, qui est la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam, consiste à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte sincère et exclusif. Comme Allah a dit dans ce verset, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Dariyat, verset 56. Et là, يقول الشارح حفظه الله تعالى ومتع به: أقول هذا المبحث يتضمن أولا أسلوبا تشويقيا آخر صنعه المصنف رحمه الله، وبدأه بما يهيج المخاطب على حسن الإصغاء والتقبل، وذلكم شيئان: الأول في قوله اعلم، وهذا أمر بمعنى الطلب، والثاني الدعاء أرشدك الله لطاعته. Et en commentaire, Cheikh Obeid dit pour ce passage: ce paragraphe contient un style d'excitation de l'envie et de l'écoute et de l'apprentissage. Donc ce paragraphe contient un style d'excitation de l'envie, de l'écoute et de l'apprentissage que l'auteur a utilisé, que Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelhab a utilisé pour exciter l'envie de celui à qui il s'adresse à être attentif et à accepter ce qu'il va lui être adressé. Et cette excitation de cette envie de l'apprentissage et de l'écoute se trouve dans deux choses. Dit Cheikh Obeid Hafidhahullah, la première des choses, quand il a dit sache, Et ça, c'est un ordre qui veut dire « demande de la science ». Donc le verbe est composé à l'impératif. Donc « demande de la science ». Ça, c'est le premier point pour exciter, hein, la curiosité, l'écoute, l'apprentissage, pour exciter et pousser à l'apprentissage. يقول أمر الثاني الدعاء أرشدك الله لطاعته. Il dit, et le deuxième point, c'est qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Qu'Allah t'oriente vers son obéissance. قال الشارح حفظه الله فما من مسلم منصف سلم الله فطرته إلا هو يتشوق لما سيلقى إليه قوله أرشدك الله إيه شيخ عبيد الله سبحانه وتعالى préserve et alors s'habille dans son obéissance dit tout musulman équitable dont la fitra et rester saine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa fitra. La fitra, c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé. Et donc, il dit, Hafidhahullah, tout musulman équitable dont la fitra, dont Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la fitra et que sa fitra est restée saine, aura envie d'acquérir ce qui va lui être exposé. Et comme Cheikh l'Islam, il a dit, et quand il a dit qu'Allah t'oriente vers son obéissance, يقول حفظه الله عند قوله أرشدك الله أي أرشد أرشدك أي من عليك بالهدايتين هداية الدلالة وهي معرفة سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة والثانية هداية التوفيق وهي سلوك هذا الطريق بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الطريقان لا يجتمعان إلا في المؤمن ولا تنفك كذلك هداية التوفيق عن هداية الدلالة لأن هداية الدلالة سبيل إلى معرفة الحق والعمل به إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, quant à la parole de l'auteur, quand il a dit qu'Allah t'oriente vers son obéissance, cela veut dire qu'il t'oriente, il te comble et qu'il te comble des deux guidés. La guidée orientation et éclaircissement, qui est la connaissance de la voie du salut et de la réussite dans ce bas monde et dans le delà. Qui est la voie du salut et de la réussite dans ce bas monde et dans le-delà. Et la deuxième guidée, la guidée dite guidée de la réussite et du raffermissement, c'est-à-dire l'ouverture du cœur à accepter cette vérité et à la mettre en application. Donc la deuxième guidée, la guidée de la réussite et du raffermissement sur cette voie du salut. Et cette voie du salut se concrétise en réalité par le fait de répondre à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager, alayhi salam. Et ces deux voies, c'est-à-dire ces deux guidées, ne se réunissent, ils ne sont réunis que pour le croyant. Il faut savoir que la guidée, réussite et raffermissement ne se détache pas de la guidée orientation et éclaircissement. Car la guidée orientation et éclaircissement, c'est la voie de la connaissance de la vérité et de sa mise en application sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et Cheikh Obeid te continue son commentaire dans ce passage en disant « وَأَمَّا الْكَافِرُ فنصيبه هداية الدلالة والإرشاد فقط ولا نصيب له في الثانية والمنافق له نصيبه من هداية الدلالة ونصيبه من هداية التوفيق ظاهرا. وقلنا ظاهرا لأن المنافق نفاقا اعتقاديا كافر في الباطن، فإسلامه في الظاهر فقط. Il dit, Habibullah Ta'ala, dans son commentaire de ce paragraphe, dans la continuité de son commentaire, quant au mécréant, sa part de ces deux guidées, c'est tout simplement la guidée orientation et éclaircissement. Il hypocrite, il a eu sa part de la guidée orientation et de la guidée de la réussite dans l'apparence. Et nous disons en apparence car l'hypocrite est mécréant dans son intérieur, au niveau de ses croyances, au niveau de sa croyance. Donc sa soumission, c'est en apparence seulement. يقول حفظه الله ومتع به والطاعة طاعة الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه تقربا إلى الله بهذا وهذا. Il dit, Habibullah Ta'ala, l'obéissance, c'est obéir à Allah en exécutant ses ordres et en s'abstenant de ses interdits pour se rapprocher d'Allah avec les deux, avec la mise en application des ordres et avec le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit, on veut avec le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. يقول شيخ عبيد وهذا هو ما يتميز به المؤمن على الكافر. الكافر قد تبلغه هداية الدلالة والإرشاد، فأبو جهل وغيره من الكفار بلغتهم الرسالة وفهموها وعرفوا حق الله عز وجل، لكنهم أبوا، لم ينقادوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللي حفظه الله تعالى إساء. C'est ce qui fait la distinction entre le croyant et le mécréant. Le mécréant, lui arrive la guidée orientation et éclaircissement, comme Abu Jahl et d'autres mécréants. Le message leur est arrivé, ils l'ont compris, et ont su le droit d'Allah qu'il contient, mais ils l'ont refusé, et ne se sont pas soumis à Allah ni à son messager, alayhi salatu wa salam. Yaqulu hafidhahullah, أما أبو بكر رضي الله عنه وإخوانه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان جعلنا الله وإياكم منهم، جمع الله لهم بين الهدايتين، هداية الدلالة فعرفوا حق الله عليهم وحق عباده أيضا، وهداية التوفيق وهي الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللي حفظه الله تعالى كنت أبو بكر et ses frères parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection, qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. Allah leur a réuni les deux guidées, la guidée orientation et la guidée de la réussite. La guidée orientation, ils ont connu les droits d'Allah et le droit de ses serviteurs, et aussi la guidée réussite et raffermissement, ils ont répondu à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager, alayhi salatu wassalam. Donc, ils ont eu la réunion des deux guidées, la guidée orientation et éclaircissement, et la guidée de la réussite et du raffermissement sur la voie droite. يقول حفظه الله هنا يأتي يقول هنا يأتي بعد الدعاء بعد الدعاء المقصود هنا يأتي بعد الدعاء المقصود فكأن سائلا قال وماذا أعلم. اللي حفظه الله يبرز الدعاء arrive le but comme si quelqu'un a posé la question que dois-je savoir. L'ordre a été اعلم sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers son obéissance. Et donc après ce dua, comme si quelqu'un a posé la question, que dois-je savoir? يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى يعني الجملة بيانية أن الحنيفية هذه بيانية والبيان بعد الإجمال من أساليب التشويق، لأن النفس إذا بدأت بالإجمال تشوقت إلى ما بعده، هل بعده بيان أو لا؟ فإذا جاءها البيان وقد تهيأت كان ذلك أدعى لقبولها. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف من الحنف وأصله ميل في القدم. إذنك après ce style de curiosité, et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrive la phrase que sache que la hanifiya et ce style de phrase est une phrase éclaircissement. Et quand l'éclaircissement vient après les citations générales, c'est un style d'excitation de la curiosité. Car les gens ont entendu des choses citées en général. Ils ont entendu ce qui a été cité en général et ils sont devenus curieux pour savoir est-ce qu'il y a un éclaircissement après ou pas. Et quand ils reçoivent l'éclaircissement et le détail, ils sont déjà préparés à l'accueillir et à l'accepter. Et donc, يقول إن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف من الحنف وأصله ميل في القدم. Et donc, il sache que la hanifia est la voix d'Ibrahim, c'est la voix d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام par affiliation, hein, à la voix d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Et par affiliation, on dit de quelqu'un qu'il est hanif. Et al-hanif est dérivé du mot al-hanaf. Et à l'origine, ce mot, c'est le penchement du pied d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, le pied est penché d'une personne et penché d'un côté ou de l'autre. لكن يقول الشيخ وشرعا هي الميل قصدا بالكلية عن الشرك إلى التوحيد. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالوصف بالحنيفية في مواضع كثيرة من كتابه. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Et la hanifia au niveau de la législation, au niveau de la législation, sa signification au niveau de la législation religieuse et au niveau de la religion, s'est penché volontairement et entièrement de l'associationnisme vers le monothéisme. C'est-à-dire s'écarter complètement de l'associationnisme en allant vers le monothéisme. Hada sil hanifia. Au niveau de la législation. Et Allah Azza wa Jal a fait des éloges à son Khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam en le décrivant par la Hanafiya dans plusieurs endroits dans le Coran. Et il est dit dans la traduction approximative du verset que Cheikh Obeid a cité ici, il est dit, Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien, il était hanif, ça veut dire pur monothéiste. Il n'était point, il ne faisait pas partie du nombre des associateurs. Verset dans Sourate Al-Imran numéro 67. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتع به وأطال عمره في طاعته وشافاه وعافاه وأمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعه في مواضع ومنها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إيه الشيخ عبيد يقول الله ordonné aussi à Muhammad alayhi salatu salam. Il y a tous ceux qui suivent Muhammad alayhi salatu salam. Domaine ton endroit dans le Coran de suivre Ibrahim alayhi salatu salam. Il fait partie de ces endroits où il y a eu l'ordre de suivre Ibrahim alayhi salatu salam. Le verset qu'a cité Cheikh ici dans Sourate les abeilles, numéro 120, dont la traduction approximative nous dit ceci. Certes, Ibrahim était un guide parfait. Donc cela implique, s'il était un guide parfait, cela implique qu'il faut le suivre. Cela veut dire qu'il faut le suivre. Et donc certes, Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, lui vouant constamment et exclusivement le culte, et il était hanif, c'est-à-dire pur monothéiste, et n'était point, il ne faisait point partie du nombre des associateurs. يقول الشيخ عبيد حفظه الله وبهذا نعلم شيئين أحدهما أن دين الله الذي اختاره لعباده وبعث به رسله وأنزل به كتبه هي الحنيفية وهي دين إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كما أنها دين من قبله من النبيين ومن بعده من المرسلين إلى خاتمهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. Cheikh Obaid de dire, et avec cela nous savons deux choses. La première, que la religion qu'Allah a choisie pour ses soumis et avec laquelle il a envoyé ses messagers et pour laquelle il a descendu ses livres, subhanahu wa ta'ala, c'est la Hanifiya, le pur monothéisme, qui est la religion d'Ibrahim al-Khalil, comme il est la religion des prophètes avant Ibrahim et après Ibrahim, jusqu'au dernier Muhammad sallallahu wa sallam alayhi majma'in. Il Khalil Ibrahim est désigné comme Khalil, comme Muhammad alayhi salatu salam est désigné comme Khalil, c'est celui qui aime d'un amour qui n'accepte pas le partage. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a désignés comme Khalil. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhim ajma'in. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام والمراد به الإسلام الشرعي الذي هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذنك il est dit dans le verset que Cheikh Obaid a cité pour ce comme argument ici, certes la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire la soumission totale à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu avec le terme islam, c'est l'islam légiféré qui est la soumission totale à Allah dans le monothéisme et qui est l'obéissance complète à Allah, c'est obéissance accompagné du désavou des associateurs et de l'associationnisme. Il est dit, dans le verset que Cheikh a cité dans cette interprétation, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, et celui qui opte pour une autre religion que l'islam, Allah ne l'acceptera pas de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. يقول الشيخ عبيد وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. والمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفرقون في النسب ومجتمعون على دين واحد وهو الإسلام. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala cite un hadith rapporté par Imam Bukhari ou Imam Muslim, où il dit que le prophète a dit: les mères des prophètes salam sont différentes et leur religion est unique. La signification, c'est que la généalogie des prophètes salam est différente, mais ils sont réunis par la même religion, la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monothéisme. Une autre explication est donnée aux, par les hommes de science à ce hadith, hein, qui rejoint celle qu'a citée Cheikh Obaid ici. Qui veut dire que les prophètes alayhim salatu wassalam, leurs législations sont différentes, mais leur religion, qui est le monothéisme, est unique. Dire leur religion, c'est le monothéisme, et les législations sont différentes d'un prophète, d'un messager à un autre et d'un prophète à un autre. Sauf les prophètes de Bani Israël qui sont venus pour, hein, remettre à jour la législation de Moussa alayhi salatu salam. Et Cheikh Obaid a cité un autre hadith, il dit, wa fi sahihayn an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Ubay ibn Ka'b, inna Allah amarani أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى رضي الله عنه وارضاه. Et donc Cheikh Obaid de citer notre hadith pour prouver que l'islam de tous les prophètes c'est le monothéisme. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le hadith d'Anas, qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay ibn Ka'b, Allah m'a ordonné de te lire ce verset, cette surat, c'est-à-dire ce verset dans surat al-Bayyina. Les infidèles parmi les gens du livre, Ubay a dit au messager alayhi wa sallam, il m'a nommé à toi, ô messager d'Allah. Le messager d'Allah lui a dit oui, et Ubay a pleuré, radiyallahu anhu wa ardah. Wa rawahu Ahmad wa Tirmidhi an Zar ibn Hubaysh an Ubay radiyallahu anhu wa lafdhuhu 'inda Ahmad. Wa lafdhuhu 'inda Ahmad qala qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah amarani an aqra'a 'alayk qala fa qara'a 'alayya لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية وللترمذي نحوه وفيه ولا المجوسية الحديث. Et donc il rapporte un autre hadith et il est aussi rapporté par Ahmed, par l'imam Ahmed et par Tirmidhi de Zor ibn Hubaysh qui le rapporte de Ubay, et l'expression chez l'imam Ahmed, Ubay a dit que le messager d'Allah m'a dit, c'est-à-dire que le messager d'Allah Azza wa Jal lui a dit, Allah m'a ordonné de te lire, et il m'a lu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a lu, les infidèles parmi les gens du livre n'allaient pas se détacher de leurs mécréants jusqu'à ce que leur arrive la preuve qui leur a été annoncée dans leur livre, un messager d'Allah, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam, qui leur récite un Coran dans des feuilles purifiées. Ces feuilles contiennent des annonces véridiques et des ordres justes. Et ceux qui ont reçu le livre se sont divisés et divergés une fois que la preuve de la prophétie de Mohammed a.s. s'est établie. S'est établie selon la description qu'ils avaient dans leur livre. Certes, la religion acceptée par Allah, c'est la Hanifia et non l'associationnisme, et non plus le judaïsme, et non plus le christianisme. Et dans la version de Tirmidhi, dans le même hadith, et non pas le Majusiya, c'est-à-dire ils n'ont pas la voix des adorateurs du feu. Donc ce hadith prouve quoi? Que la Hanifia, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Le monothéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base de toutes les religions. Sans le monothéisme, aucune œuvre ne serait acceptée. يقول الشيخ عبيد حفظه الله الشيء الثاني بطلان الدعوة التي ترفع بها جماعة الإخوان المسلمين عقيرتها بأن الديانات سماوية ثلاث كما يزعمون الإسلام واليهودية والنصرانية. Et on retient aussi dans ce paragraphe qu'a cité, qui est en train d'interpréter Cheikh Obeid, il dit, on retient aussi un deuxième point, qui est la nullité et le faux de cet appel que fait le groupe des frères musulmans, qui prétendent que les religions célestes sont au nombre de trois, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Il dit, c'est dawa, il est nul, et non avenante. يقول الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به وتمت أمر آخر وهو بيان الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين الجن والإنس وهي عبادته وحده وهي عينها ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم واستدل المصنف بآية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي هذا دليل على أن الجن مكلفون ومقتضاه أن لمحسنهم الثواب وعلى مسيئهم العقاب وكذلك تفيد فائدة أخرى وهي أنهم بلغتهم الرسالات والنبوات. الشيخ عبيد de dire, et là il y a un autre point, une autre فائدة, c'est l'éclaircissement sur le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les deux mondes, le jinn ou l'ins, les humains et les jinn. Et ce but, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer exclusivement toute forme d'adoration. Il dit, et ça c'est la voix d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est la Hanifia. Et l'auteur, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, a cité comme preuve pour cela le verset dans Surat Dariyat, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Juste pour qu'ils réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Obeid, il dit, donc, ce verset prouve que les djinns sont concernés par l'obligation de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui implique que les bienfaisants parmi eux seront récompensés, et ceux qui feront le mal et qui font le mal seront châtiés. Et on retient aussi une autre faïda, c'est que les prophéties et les messages sont arrivés aux jeunes et ont été transmis aux jeunes. يقول حفظه الله والمراد بالطاعة في اللغة موافقة الأمر بفعله وموافقة النهي بتركه. Il dit حفظه الله, ce qui est voulu avec l'obéissance. L'investissement au niveau de la langue arabe, c'est de concorder avec l'ordre par sa mise en application et de concorder avec l'interdiction par l'abstinence, par le fait de s'abstenir de cette chose qui est sous l'interdiction. Il faut s'en abstenir. يقول المراد بها في الشرع فعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق أخبار الله ورسوله سواء كانت هذه الأخبار تدرك بالحس والمشاهدة أو من أنباء الغيب ومن الطاعة المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. Il dit حفظه الله تعالى est-ce qu'il voulu avec le terme obéissance, avec l'obéissance dans la législation, dans la religion d'Allah, c'est mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'abstenir de ce qu'il a interdit et prendre comme véridique et y croire tout ce qu'Allah a annoncé et ce qu'a annoncé son messager alayhi salatu salam. Que les annonces soient parmi les choses qui se captent concrètement ou qui se captent avec les sens, ou se voit avec les yeux, ou pas. Ou qu'il soit parmi les choses, parmi les annonces, qui sont du domaine de l'invisible. On doit les prendre comme véridiques et y croire du moment qu'ils sont annoncés par Allah et par son messager, alayhi salatu salam. Ceci fait partie aussi de l'obéissance. Comme il en fait partie, le fait de mettre en application les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'abstenir de ce qu'il a interdit. يقول الشيخ حفظه الله ومن الطاعات المحافظة على الفرائض والإكثار والاستكثار من النوافل. Il dit il fait partie des obéissances, le fait de préserver les obligations et aussi le fait de faire beaucoup de surrogatoires. يقول حفظه الله وأهم طاعة الله سبحانه وتعالى بل هو أساسها وأصلها وقاعدتها وهو زبدة الرسالات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. Il dit حفظه الله la plus importante des obligations à Allah, des obligations à la plus importante des obéissances à Allah et le cime, la cime des obéissances à Allah qui est la base et la fondation de toute adoration et l'essentiel de tous les messages et la cime de tous les messages, c'est l'ordre d'accomplir le monothéisme. C'est l'ordre d'accomplir le culte exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi l'interdiction de l'associationnisme. L'interdiction de l'associationnisme. Donc, la cime des obéissances, c'est l'ordre d'accomplir la religion exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cime de toutes les interdictions, c'est l'interdiction du fait de vouer le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. يقول فأصل الدين وأساسه أمرين. الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. Il dit حفظه الله تعالى car la fondation principale de la religion et la base principale de la religion, c'est deux choses. La première, l'appel à l'adoration d'Allah exclusivement et inciter les gens et orienter les gens vers le fait d'accomplir la religion sincèrement pour Allah et s'allier pour le monothéisme et prendre comme mécréant ceux qui délaissent le monothéisme. S'allier pour cela et prendre comme mécréant tous ceux qui tombent dans l'associationnisme et qui délaissent le monothéisme. يقول والثاني الإنذار وإن شئت فقول التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاذاة فيه وتكفير من فعله. الجيل الدوزيام بوان qui fait partie de la base de cette religion, c'est l'avertissement contre toute forme d'associationnisme dans les actes d'adoration. Et la fermeté à ce niveau-là. Et ce désavoué des associateurs, il est désigné comme mécréant. يقول ومن الأدلة على ذلكم قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et donc il dit, fait partie des preuves pour cela, pour ces deux fondements principaux de la religion, qui sont le monothéisme, l'ordre du monothéisme, et l'interdiction de l'associationnisme, dit, fait partie des preuves pour cela, le verset dans Sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 25, où la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, certes, tout messager que nous avons envoyé avant toi, c'est-à-dire avant toi et à Muhammad, nous lui avons révélé qu'il n'y a d'autre digne d'être adoré qu'Allah, réservé à Allah le culte exclusivement. Et ça, comme il a été dit auparavant, c'est la cime du message, de la da'wa de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et c'est la fondation de toutes les da'wa de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, nijalana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayh. Saluhu subhanahu wa ta'ala an yutila umura shaykhina al-shaykh Ubayd fi ta'atih wa an yushafiyahu wa yu'afiyah wa an yanfa'ana bi'ilmi ulama'ina. ونجعلنا وإياكم من الذين يلزمون غرز العلماء ويتقيدون بتوجيهاتهم ونصائحهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يخرجكم من تلكم الديار سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا